Cécile, cessez de vous balancer. Cécile, cessez, cessez de passer. En voilà assez. Cessez, cessez. Cécile, cessez, cessez de passer. Cécile, cessez de nous agacer. En voilà assez. Cessez, cessez. Cécile, cessez de nous agacer.